Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ina, conseillère en style, convaincue que s'habiller, c'est s'exprimer. Vous écoutez l'émission Le passé habille le présent. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle pour comprendre comment la mode est devenue un langage social universel. Je vous invite à me retrouver sur Radioactif régulièrement pour parler de la mode à travers le temps. Alors, plongeons dans l'histoire d'un phénomène universel, la mode. Savez-vous que la mode est bien plus qu'un simple vêtement? C'est une manifestation socioculturelle qui visualise les changements de notre société. Cyclique, elle naît, vit et meurt, pour en être autrement. Mais alors Ina, pourquoi ce besoin de suivre la mode? Alors, la réponse est simple, et cette réponse est en nous. Nous sommes des animaux sociaux. Se comparer aux autres est un comportement biologique profond, un héritage qui a permis à nos ancêtres de former des communautés soudées pour survivre et prospérer. Aujourd'hui, la mode est l'un des instruments les plus sophistiqués qui régule cette structure sociale complexe. Elle offre un cadre codifié à ce besoin inné d'appartenance et de distinction. Pour retrouver les racines de ce phénomène, il faut faire un saut dans le temps, jusqu'au Moyen-Âge. Contrairement à une idée reçue, la mode n'a pas commencé avec les cours royales de la Renaissance. Son émergence est étroitement liée à un bouleversement fondamental, la sédentarisation. Mais alors en fait, la mode, elle vient pas de l'Antiquité ? Et non. En fait, dans l'Antiquité romaine et byzantine, il existait déjà des variations vestimentaires, certes, mais pas une mode au sens cyclique. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe occidentale traverse une longue période d'instabilité. Les vêtements restent simples, larges, semblables pour les hommes et pour les femmes. On porte surtout de grandes tuniques rectangulaires, différenciées par la couleur ou la manière de les nouer. Les femmes des communautés nomades ou équestres portaient même des pantalons. C'est entre le 10e et le 12e siècle que tout change. Avec la sédentarisation, les villes se développent autour des cathédrales, des monastères et ateliers d'artisans. Un nouveau phénomène apparaît, l'ascenseur social urbain. Des gens ambitieux, souvent issus de rien, viennent en ville et réussissent. Et pour afficher ce nouveau statut, ils ont besoin de signes visibles. Et bien entendu, ce signe visible, c'est le vêtement. Et alors, à partir de quand les vêtements ont-ils défini un genre féminin, masculin? Eh bien, c'est à partir du XIIe siècle. Une distinction nette s'installe entre vêtements masculins et féminins. La ville impose de nouvelles règles. Les hommes portent des tuniques raccourcies et des chausses. Et les femmes des robes longues ajustées. La coupe se perfectionne. Ceinture goussée, manches cousues. Parallèlement, une distinction naît entre les tenues de travail et les habits de sortie. Alors, est-ce que tu sais quelle était la révolution la plus importante dans la mode entre le 13e et le 14e siècle? Écoute, j'imagine que c'est pas le bob. Non, le bob est venu beaucoup plus tard. C'est en fait la révolution technique. C'est l'invention de la confection. En fait, jusque-là, on utilisait principalement des pièces de tissu rectangulaires, peu travaillées. En parallèle, les matières dominantes sont la laine et le lin. La soie existe déjà importée d'Orient et devient un produit de luxe dans les cours européennes. Pour se singulariser, la nouvelle bourgeoisie urbaine riche a commandé des vêtements plus complexes, taillés et ajustés au corps. C'est l'apparition de techniques de coupe révolutionnaires. On coupe le tissu en biais pour épouser les hanches. On invente des manches rapportées et ajustées, parfois avec des fentes pour laisser voir la doublure. La silhouette devient une vraie architecture. Est-ce que tu sais, à cette époque-là, quelle était la pièce emblématique en fait, de cette révolution? Je ne sais pas, Ina. Et c'était le bilot, une robe ajustée au buste et évasée à partir des hanches, portée par les hommes et par les femmes. Une silhouette si iconique qu'elle n'a cessé de revenir dans l'histoire des années 1930 aux années 1990. Cette évolution culmine à la fin du XVe siècle, particulièrement à la cour de Bourgogne, épicentre de ce qu'on appelle la mode gothique. Souliers à la poulaine extrêmement pointus, hennins, coiffes coniques pour les femmes, chausses moulantes et bicolores pour les hommes. La mode était née comme un langage de pouvoir et de richesse. Les siècles suivants voient ce phénomène s'accélérer et se politiser. Au XVIe siècle, l'Europe s'enrichit. Les grandes monarchies imposent leur style. Donc la France, à ce moment-là, a influé sur les habitudes vestimentaires ? Et non, à cette époque-là, au XVIe siècle, c'était l'Espagne. Puissance dominante, elle marque fortement la mode. Couleurs sobres, collerettes rigides, silhouettes hiératiques. Les cours du Nord envoyaient des poupées de mode pour copier les dernières tendances du Sud. C'est aussi l'époque d'un progrès technique majeur avec le métier à tisser qui améliore la qualité et la finesse des tissus et le développement spectaculaire de la dentelle. Alors la mode devient un langage politique et national. Chaque royaume impose son identité et à travers les vêtements. Au XVIIe siècle, sous la règne de Louis XIV, c'est là que la France s'érige en capitale mondiale de la mode. Le roi Soleil, en fait, c'est lui qui en fait un instrument de pouvoir et de prestige économique. Et d'ailleurs, son ministre Colbert dira « La mode est pour la France ce que les mines du Pérou sont pour l'Espagne. » C'est l'époque de la mise en place des grandes manufactures royales, comme les gobelins pour les tapisseries et les tissus qu'on connaît même jusqu'à aujourd'hui, ou la promotion de la soie lyonnaise. À Versailles, l'étiquette impose une mise en scène permanente, où chaque détail vestimentaire reflète le rang et la richesse. Mais beaucoup d'orgueil hein, aussi, on a l'impression, dans l'habit finalement, dans le fait de porter de beaux habits. Complètement, complètement. Comme avec les habits, on influence sur le comportement des gens. Et donc, les habits étaient très importants à cette époque-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi. Oui, c'est sûr. Et alors, par quels moyens la France, la mode française s'est répandue à travers l'Europe ? En fait, pour exporter le style français, on envoie dans toutes les cours d'Europe les poupées qui s'appelaient en fait Pandore, de véritables mannequins de la taille d'une poupée moderne. Elles étaient habillées des dernières créations parisiennes et ces poupées voyageaient aussi avec leur garde-robe. Et d'ailleurs, s'il y avait des événements militaires, tout s'arrêtait pour laisser passer ces poupées. Ah oui, c'est dire l'importance qu'elles avaient. Tout à fait. Alors, le XVIIIe siècle pousse la logique de la nouveauté perpétuelle à son paroxysme avec la reine Marie-Antoinette. Tout à fait. Et sa ministre de la mode, attention, Rose Bertin. Une robe créée ne se portait qu'une fois. Oh bah tiens donc. Est-ce que tu sais quelle influence et comment on considérait en fait Rose Bertin à cette époque-là ? C'était la Coco Chanel d'un peu plus tard ? On peut dire oui, c'est à peu près ça. Parce que Rose Bertin est considérée justement comme la première styliste moderne. Ah oui. Et c'est elle qui a influencé sur les habitudes vestimentaires de la cour et des nobles. C'était la première modiste qui faisait tout pour les nobles de A à Z. D'abord, on l'a invitée pour qu'elle confectionne une robe. Après, elle-même, elle demandait de la confectionner, de la faire, de la coudre. Et à la fin, elle revenait vers les nobles pour finir le style, pour ajouter les chaussures, les accessoires et le bijou. Et la coiffe aussi ? Et la coiffe aussi, entendu. Mm-hmm. C'était un point très important. Mm-hmm. En parallèle, la mode descend de la cour vers la ville. Et un personnage clé émerge, le fripier. C'est comme aujourd'hui un commerçant des habits de seconde main. Finalement, le fripier, j'ai envie de dire, il recyclait des vêtements qui avaient déjà été portés. Tout à fait. Ouais. Mais c'était un petit peu nécessaire et important à l'époque parce que comme la robe pouvait être portée juste une fois à la cour, donc c'était dommage de la garder dans un placard, ces robes se vendaient. Et alors, sur les marchés, comme la place de Grève à Paris, on vendait les vêtements de seconde main de l'aristocratie. Et cela permettait aux classes moyennes et même aux prostituées de s'approprier des codes des élites. On imagine les femmes qui devaient dire oh, ah, moi j'ai la robe de Marie-Antoinette. Waouh! C'est tout à fait ça, parce que par exemple, les femmes des clercs qui pouvaient être habillées en robe de la femme de leur patron, c'était très prestigieux. Mais finalement, c'est un fripier de luxe, là, parce que si c'était des robes de la cour, on est loin quand même de l'habit recyclé. De la cour ou des nobles. Oui. En fait, ça passait de l'un à l'autre. Parce qu'on vendait comme de la cour ou des nobles ces vêtements aux gens plus petits rangs, on va dire. Mmh. Et pareil, après, ces gens-là, ils vendaient aussi un corps aux autres qui étaient dans un autre rang social. Alors, donc, cette démocratisation relative et le désir croissant de nouveauté créent une demande explosive qui prépare le terrain pour la révolution industrielle. Mmh. Alors, le 19e siècle est le grand tournant. La révolution industrielle mécanise la production textile et transforme profondément la mode. D'un côté, la haute couture naît à Paris avec des figures comme Charles Frédéric Worth. Est-ce que tu connais, si tu as entendu déjà ? Pas du tout. Alors, c'est le premier créateur anglais, british, qui était expatrié en France, qui était installé à Paris. Et c'est le premier créateur, en fait, qui commence à signer ses modèles, ses robes. C'est lui, on va dire, qui a inventé les étiquettes. Voilà. Avec coton, acrylique et peut-être pas encore à l'époque. Je ne sais pas de quelle façon était signé, mais... C'est là, en fait, qu'il laisse la trace sur ses œuvres. Mmh. Et de cette façon, on évite le contrefaçon. Wow. Donc, même à l'époque, ça existait. Wow. Donc, il laisse ses empreintes sur les pièces uniques qu'il crée. On imagine qu'il y a des musées qui doivent encore... Est-ce que tu penses qu'il existe encore des œuvres de Charles-Frédéric Worth? Oui, parce que ce n'est pas si vieux, finalement. Là, on est au 19e siècle. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours une exposition à Paris sur le Charles-Frédéric Worth qui va finir le 7 septembre. Et je suis allée et justement, j'ai vu ses œuvres, les robes magnifiques que j'ai mises sur Facebook et Instagram. Et comment on fait pour les voir, ces photos? On vous mettra les liens avec le podcast, le lien sur mon Instagram. Sur ton Insta, on ira voir Ina, super. Après, donc, juste une petite anecdote, Charles Frédéric Worth a confectionné une robe pour Sissi. Sissi, l'impératrice d'Autriche. Et la taille faisait 40 cm. C'est incroyable. C'est bien sûr qu'il portait les corsets. Okay. C'est pour ça qu'il y a le tour de taille. En même temps, 40 cm, ça ne pouvait pas être beaucoup grand-chose d'autre. Mais dis donc. Ah oui. C'est incroyable. Comment les femmes souffraient à l'époque pour avoir le tour de taille Je pense que Romy Schneider, elle faisait pas ce tour de taille-là quand elle a joué Sissi, impératrice. Je ne sais pas si l'impératrice Sissi a porté très longtemps cette robe. Ou peut-être c'est resté dans le placard, juste comme une pièce d'exposition. Ah oui. Alors, on continue. Donc, on a parlé de Charles Frédéric Worth, mais de l'autre côté, la confection standardisée et la production en série rend les vêtements accessibles à une bourgeoisie et même aux classes populaires. Mmh. La mode devient une industrie structurée et mondiale. Aujourd'hui, nous participons tous à ce système, consciemment ou non. Que l'on soit adepte de luxe ou de fast fashion, notre garde-robe est l'aboutissement de cette longue histoire. Comme le dit si justement le film « Le diable s'habille en Prada », le pull bleu acheté en solde est, lui aussi, l'héritier d'une décision prise des saisons auparavant par quelqu'un quelque part qui a inventé cette couleur, cette coupe. La mode n'est donc pas frivole. Elle est une force historique et économique majeure. Et c'est le reflet de nos aspirations est le récit de notre évolution sociale. Elle commence avec l'ambition d'un artisan médiéval et se niche aujourd'hui dans notre récit. Elle et a toujours été l'histoire de nous-mêmes. Donc, en conclusion, voilà, notre voyage à travers l'histoire s'achève pour aujourd'hui. Je suis Ina, conseillère en style, et c'était le premier rendez-vous de notre émission « Le passé habite le présent ». Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radioactive pour un nouveau thème où nous continuerons à explorer comment l'histoire du vêtement façonne encore notre présent. Au revoir. Merci beaucoup Ina, c'était passionnant et à très bientôt sur Radioactive.